Le fabuleux destin de Draco Malfoy par Steph PM. Le vent soufflait fort dans la lande et dans les cheveux de Draco. Cette sensation de liberté qui en découlait était grisante, un peu euphorisante aussi. Il aimait quand le vent se levait, que le ciel s'obscurcissait et que les nuages dominaient. Il aimait respirer l'odeur des fleurs des champs. C'était l'odeur de la pureté, de l'enfance et de l'insouciance. Il aimait regarder le vent danser dans l'arbre, léger et insaisissable. Il aimait voir les feuilles frémir, les branches se balancer sous la brise, telles les vagues déchaînées d'une mer capricieuse. Il observait le vent s'attarder, caresser l'écorce et emporter avec lui les rires et les joies de son enfance. Et, comme l'arbre qui ployait sous les assauts répétés, Draco ouvrait les bras et laissait son t-shirt se gonfler et claquer contre sa peau. Il résistait et jouait à son tour avec cet ami invisible. Puis la réalité reprenait ses droits, et il se retrouvait dans le parc du manoir, à jouer et imaginer une vie qui n'était pas la sienne. Chaque jour, Draco venait rendre visite à son arbre, tout au fond du parc, aux confins des limites qui lui étaient fixées. Il était un peu le sien, car lui seul le voyait tel qu'il était, avec une tête, des yeux, des bras qu'il agitait au gré des saisons, des bras tantôt amicaux, tantôt menaçants, selon si c'était le soleil ou la lune qui l'embrasait, selon son humeur, selon si son père venait de le réprimander ou si sa mère l'avait envoyé jouer à l'extérieur. Sa mère, sa maman chérie, elle était la seule à connaître son secret. Avec Dobby. Drago voulait être explorateur, et comme il n'avait pas le droit de dépasser les frontières du manoir, il se contentait d'explorer le parc. Il le connaissait mieux que les elfes qui s'occupaient du jardinage, mieux que sa mère qui aimait tailler ses rosiers, et mieux que son père qui marchait toujours d'un pas rapide sans regarder ni à droite ni à gauche. Dobby, infatigable, le suivait de sa petite démarche vacillante et veillait sur lui. Draco faisait mine de s'agacer, mais la présence de l'elfe à ses côtés le rassurait et lui procurait un sentiment de sécurité. Mais ça, jamais il ne l'avouerait. Un explorateur n'avait peur de rien et il n'allait certainement pas faire honte à sa future profession. Alors, il emmenait le fidèle serviteur à travers ses nombreuses pérégrinations et cet arbre avait toujours été le point d'orgue de ses périples. Il le saluait comme on le ferait avec un animal sauvage, il lui demandait la permission de s'approcher et quand le vent faisait doucement bruisser les feuilles en une approbation silencieuse, Draco grimpait dans le trou béant de son tronc, comme une invitation magique à se reposer en son cœur. L'arbre n'avait pas un faciès accueillant, mais Draco avait su l'apprivoiser et s'en était fait un ami. Un ami qui lui ouvrait sa porte et acceptait de surveiller ses trésors sans jamais le dénoncer. L'intérieur du tronc ressemblait à une petite pièce où Draco se sentait chez lui, bien plus que dans sa chambre, vide, froide et impersonnelle. Ici, tout était beau, chaud et vivant. Ses petits trésors emmagasinés au fil du temps étaient en lieu sûr, et Draco aimait venir dès qu'il en avait l'occasion. Cet arbre avait été son refuge jusqu'à ses 16 ans. Malheureusement pour lui, à partir de cet été maudit, plus aucun lieu n'avait pu lui apporter du réconfort ou de la sécurité. Son arbre magique était mort en même temps que ses illusions. Il ne restait plus que la magie noire, vile, dévastatrice et dangereuse. Ses petits trésors piétinés par la rancœur appartenaient désormais au passé. Le jeune Draco Malfoy était mort à l'intérieur, comme cet arbre creux que la sève quittait inexorablement. À l'aube de ses 30 ans, Draco était déjà un homme d'habitude, rompu par la routine. Aucun détail de sa vie n'était laissé au hasard. Ses journées étaient planifiées à la minute près et ne laissaient aucune place à l'imprévu. Sa sacoche en cuir, un peu démodée, ses pantalons en velours côtelé et ses chemises en lin d'un autre temps le faisaient ressembler à l'archétype du professeur d'université un peu coincé et vieux jeu. Tous les matins, à la même heure, il arrivait au ministère de la magie, prenait le même ascenseur pour se rendre au département des mystères, mangeait avec les mêmes collègues à midi et ressortait tous les soirs à la même heure, côté moldu, pour regagner son petit 2 pièces qu'il avait réussi à rendre douillet à force d'imagination et de persévérance. Dobby n'était plus là pour l'aider à amasser des trésors pour se sentir chez lui. Mais il n'avait plus besoin de les cacher à son père non plus. Il était libre de prendre ses propres décisions, libre de mener la vie qu'il s'était choisie, libre de faire comme bon lui semblait. Draco était apprécié pour ses compétences et son caractère compliant. Il avait commencé en bas de l'échelle et avait travaillé dur pour se faire une place et se faire respecter pour ses aptitudes. Il avait fait preuve de ténacité pour laver son nom et enfin se faire un prénom. Au fil des années, il avait su gagner la confiance de ses collègues et celle de ses supérieurs. Une équipe soudée s'était formée et un climat serein accompagnait ses journées de travail. Il allait parfois boire une boisson chaude à la cafétéria du ministère avec des collègues, Les départements s'y mêlaient et des amitiés se formaient autour de petites douceurs sucrées. Hermione, qui était directrice du département de la régulation des créatures magiques, avait soumis l'idée d'un tel lieu, calqué sur le modèle moldu, et les sorciers devaient bien admettre que l'idée était brillante et avait changé leur façon d'organiser leur journée, de travailler et de se rencontrer autour de latte macchiato et autres cappuccinos, plus sucrés et sophistiqués les uns que les autres. Drago en était venu à commander chaque jour un grand latte au sirop de caramel, éclat de noisette et chantilly, surmonté de copeaux de praliné rose concassés. Il était loin le temps où il commandait un Darjeeling sans sucre. Il repensait à son père, un petit rictus au bord des lèvres, et se disait qu'il mourrait de honte de voir ce que son fils était devenu, s'il n'était pas déjà mort et enterré depuis belle lurette. Drago était un homme d'habitude. Tous les soirs, il rangeait son bureau et tout le matériel nécessaire à son activité de langue de plomb. Il désinfectait sa surface de travail, à l'aide d'un récurvite, saluait ses collègues et leur souhaitait une bonne journée. Il traversait l'atrium d'un pas rapide, sans jamais se retourner, et prenait l'ascenseur qui le menait à la sortie. Il respirait alors l'air frais qui emplissait ses poumons, et quand le temps le permettait, faisait à pied les quelques kilomètres qui le séparaient de son petit appartement, de son havre de paix. Il faisait parfois un petit détour et s'arrêtait acheter des ingrédients pour une recette qu'il voulait essayer, flânait un peu devant les vitrines alléchantes des pâtisseries, ou encore feuilletait des livres dans les librairies de quartier, qui sentaient bon le vieux bois et le papier. Il aimait discuter des dernières sorties et des œuvres plus méconnues de ses auteurs et autrices préférées, avec d'autres clients rencontrés au hasard des rayonnages. Quand le soleil brillait encore haut dans le ciel, il s'arrêtait au parc non loin, une sorte de jardin d'acclimatation, où les familles aimaient se dégourdir les jambes. Il s'asseyait alors sur un banc et feuilletait un livre, se nourrissait du bruit des enfants qui jouaient. Drago aimait la vie, le soleil, et tous les petits trésors cachés que son existence pouvait lui offrir. Son arbre n'avait plus besoin de les cacher, son cœur était bien assez grand pour tous les contenir. À part son travail au ministère, Drago vivait et fonctionnait comme un moldu. Son appartement n'était pas relié au réseau de cheminettes et jouissait de la technologie moldue qu'il trouvait très pratique, à commencer par le réfrigérateur et la télévision. Il se tenait informé de toutes les nouveautés mises sur le marché et, à force de matraquage publicitaire, finissait inéluctablement par craquer et acquérir l'un ou l'autre objet complètement inutile, mais soudain indispensable. Sa dernière acquisition était une sorte de petit four à air chaud avec deux tiroirs et il salivait déjà à l'idée du poulet rôti qu'il dégusterait le soir sur sa petite table basse devant un film. Oui. Quand Draco rentrait chez lui, il enlevait ses chaussures et sa veste, posait sa baguette magique sur le guéridon dans l'entrée et ne la récupérait que le lendemain pour se rendre au ministère. Il oubliait presque, le temps d'une soirée, qu'il était un sorcier, que son père avait commis les pires atrocités et qu'il avait servi le plus grand mage noir de ces dernières décennies. Il oubliait presque que son passé était loin d'être glorieux. Presque. « Draco, c'est toi? Tu es déjà rentré? Je croyais que tu passais chez le libraire. » Oui. Draco oubliait presque qui il était et ce qu'il avait fait. Il oubliait presque qu'une marque noire et immonde était gravée dans sa peau. Et quand il sentait la bonne odeur des épices et du poulet qui émanait de la cuisine, il oubliait presque qu'il ne méritait pas tout ce bonheur et la petite vie paisible qu'il s'était construite. Qu'ils avaient construit. À deux. À force de communication et d'explications, d'excuses et de pleurs, de pardon et de compréhension. J'y suis allé, mais il n'avait pas encore reçu ma commande. Je me suis arrêté au parc, mais je n'y suis pas resté très longtemps. J'avais envie de rentrer, j'avoue. « Oui, mais c'est pas encore prêt !» répondit la voix sans sortir de la cuisine. « J'ai dit, ce soir, c'est moi qui cuisine. Je veux pas te voir dans mes pattes. Pour une fois que j'ai un congé, ne gâche pas mon plaisir. Oust !» Draco ne put s'empêcher de sourire, attendri. En général, c'était lui la fée du logis. Lui qui mettait chaque soir les petits plats dans les grands. Lui qui entretenait et gardait cet appartement sain et rutilant. Ses horaires le permettaient, et il le faisait de bon cœur. Mais de temps à autre, il aimait aussi se faire dorloter, qu'on prenne soin de lui et qu'on désire lui faire plaisir. « Bon, je vais à la douche alors. Mais après je te rejoins. Fini ou pas fini ?» Il entendit l'autre maugréer dans sa barbe et partit se dévêtir dans la salle de bain et laisser l'eau brûlante du jet de douche laver les dernières tensions qu'il habitait après une journée de travail. Il ne faisait que rarement des heures supplémentaires, mais ses journées, bien que huilées comme du papier à musique, étaient parfois bien remplies et éreintantes. C'était autour d'un latte macchiato trop sucré et trop chargé en caramel qu'ils avaient commencé à discuter. Ou plutôt à s'expliquer. L'un reprochant et l'autre s'excusant. Les rapports étaient déséquilibrés et malsains. Il avait fallu du temps et beaucoup de sucre et de chantilly pour adoucir les propos et débuter des discussions plus constructives, plus civilisées. Les rencontres impromptues étaient devenues des rendez-vous et les rendez-vous des moments attendus avec une impatience mêlée de plaisir. Ils avaient continué à se voir à l'extérieur, à découvrir qu'ils avaient les mêmes goûts douteux pour les fast-foods et les films à gros budget où les super-héros étaient moins crédibles les uns que les autres. Il riait et se moquait un peu de l'imagination débordante des moldus, qui frisait parfois le hors-sujet, là où la magie aurait résolu les énigmes d'un coup de baguette. Mais c'était avec le même œil brillant qu'il débattait jusqu'au bout de la nuit pour savoir lequel des Avengers était le plus fort et le plus beau. Ils s'étaient tous les deux éloignés du monde magique, tout en y gardant une activité professionnelle et des amis. Ils s'étaient tous les deux épanouis en marge de ce qu'on avait attendu d'eux durant leur adolescence. Et alors que leurs chemins n'auraient jamais dû se recroiser et les rapprocher, c'était un soir d'été qu'ils s'embrassèrent pour la première fois, en plein milieu de Trafalgar Square, sous le regard blasé des passants et de Big Ben qui sonnait non loin. Après des mois à se tourner autour, à se chercher, à se taquiner, ils avaient fini par se trouver. Drago l'avait amené chez lui, et son appartement avait fini de lui prouver qu'il avait changé, et qu'il n'était définitivement plus le petit morveux stupide et méchant qui s'était échiné à lui rendre la vie encore plus difficile qu'elle ne l'était déjà. Ils avaient fait l'amour dans des draps qui sentaient bon la fleur de tiare, et Drago lui avait avoué qu'il n'avait jamais emmené personne chez lui. Qu'il était le premier à franchir cette barrière et à dormir dans son lit. Après un moment d'incertitude, son vis-à-vis lui avait avoué à son tour qu'il n'avait jamais imaginé finir la soirée de cette façon, et que pour être tout à fait honnête, il n'avait jamais fait l'amour avec un homme avant lui. Qu'il n'avait même pas conscience que ce genre de relation pouvait le tenter. Ils avaient eu un fou rire nerveux et s'étaient endormis dans les bras l'un de l'autre, peut-être pour s'assurer que cette relation était bien tangible et non le fruit d'une imagination débridée. Leur relation avait débuté ainsi, simple et banale, comme celle de milliers d'autres couples. Chaque histoire semble unique aux yeux de ses protagonistes, mais la leur l'était réellement. Après tout, ils étaient le yin et le yang, la lumière et l'obscurité, l'ordre et le chaos, le oui et le non. C'était la tête remplie de souvenirs et le cœur tout chaud que Draco sortit de la douche et attrapa la première serviette à sa portée. Il se sécha sommairement et enfila un bas de jogging et un t-shirt trop grand, définitivement pas le sien, et sortit de la salle de bain pour rejoindre la cuisine. « Tu me laisses au moins mettre la table ?»« Si ça peut te faire plaisir, oui, » répondit l'autre homme dans un soupir, tout en s'essuyant les mains dans un torchon accroché à la porte du four. « Tu as préparé quoi de bon ?» demanda Draco en disposant les assiettes et les couverts sur la table basse qui les attendait pour leur soirée cinéma. Pour accompagner le poulet, j'ai essayé une recette de risotto aux champignons dans le robot, mais j'ai l'impression que ça ressemble plus à de la bouillie qu'autre chose. Draco éclata de rire. Parfois il oubliait avec qui il était en couple, que c'était Harry Potter en personne, l'homme avec qui il vivait depuis tant d'années, que c'était le sauveur du monde sorcier, le héros adulé de tous qui partageait sa vie et essayait une nouvelle recette à chaque fois qu'il avait un jour de repos, que c'était lui qui portait un tablier tout taché dans leur petite cuisine et qui se mettait en quatre pour mitonner un plat correct pour son amoureux. « Pourquoi tu ris? Tu te moques, c'est pas gentil. Laisse-moi tranquille. » Et Draco ne put s'empêcher de revenir auprès de lui et poser un baiser sur ses lèvres, dans le but d'effacer cette moue boudeuse qui le faisait fondre. Qu'est-ce qu'il pouvait l'aimer? « Allez, va t'asseoir et raconte-moi ta journée au lieu de m'embêter. »« Pfff, je suis dépité. J'ai mis le mot de marche arrière pour le couteau et ça a complètement ratatiné le riz. » Harry regardait sa préparation comme s'il avait raté un examen très important. Et Draco ne l'en aimait que davantage. Leur relation avait débuté ainsi. Simple et banal, mais elle les avait surtout pris par surprise. À quel moment avait-il cessé de se regarder comme des rivaux? À quel moment une attirance était-elle née? Peut-être que le refus de Harry de serrer la main de Draco avait été le début de cette obsession que ce dernier avait développée pour lui? Il avait passé sa scolarité à faire son intéressant et à vouloir attirer l'attention du jeune Gryffondor, se mettant sur son chemin à la moindre occasion. Tout était bon pour se chamailler et s'asticoter, pour s'affronter. Draco avait voulu, consciemment ou non, faire partie de la vie de l'autre depuis le début. Mais il l'avait fait de la pire des façons. Peut-être que l'obsession de Harry pour Draco en sixième année avait laissé des traces. Peut-être qu'à force de suivre son nom sur la carte, à chercher ses pas et ses relations, il avait développé une sorte d'addiction. Peut-être qu'ils avaient passé des années à se chercher ou à s'éviter, et que l'âge adulte avait permis de mettre des mots et des émotions sur ces troubles adolescents salis par la guerre et les idées intégristes. Peut-être que les excuses sincères de Draco, ses remords, ses regrets, avait contribué à adoucir les rancœurs. Peut-être que c'était leur destin, après tout. En s'asseyant à table, Draco repensa avec nostalgie à ce qu'ils avaient dû traverser pour en arriver là. À partager un risotto raté, mais cuisiné avec tout l'amour nécessaire pour le rendre bon et réconfortant, malgré son aspect peu prometteur. Un peu à leur image. Ils étaient ensemble depuis quelques mois quand ils avaient connu leur première vraie dispute, celle qui faisait trembler les murs et remettait tout en question. Harry était parti en claquant la porte. Draco avait eu l'impression que son cœur s'était arrêté au même moment. Un froid glacial l'avait envahi et avait figé l'air présent tout autour de lui. Harry était parti. Il l'avait quitté sur une incompréhension, une malheureuse méprise. Draco avait rassemblé le peu de courage et de volonté qui lui restait et avait réussi à mobiliser ses membres et courir à sa suite, Harry n'était plus là. Il n'était plus dans le petit couloir et la porte de l'immeuble était grande ouverte. Sans réfléchir, les joues baignées de larmes et un cri silencieux au bord des lèvres, Draco s'était précipité dehors à sa suite. Il avait regardé à droite et à gauche, ses yeux le cherchaient avec l'énergie du désespoir quand il l'avait aperçu. Il se tenait au mur et essayait visiblement de respirer et se calmer. C'était la première fois que Draco le voyait pleurer. Draco s'était approché doucement, comme il l'aurait fait pour un animal blessé, de peur qu'il ne s'échappe. C'était seulement arrivé à sa hauteur qu'il avait réalisé qu'il pleuvait des cordes, qu'ils étaient trempés jusqu'aux os et qu'il était sorti en chaussettes. Le ridicule de la situation leur avait sauté aux yeux au même moment et les pleurs s'étaient taris. Les cheveux collés au visage et les larmes lavées par la pluie, ils étaient tombés dans les bras l'un de l'autre et s'étaient échangés des mots d'amour décousus, mais sincères. « Il pleut !» fut la seule phrase que Harry prononça à haute voix quand il put enfin s'écarter de Draco et le regarder dans les yeux. Il le tenait fermement par les épaules, il lui prouvait par ce geste la force de son attachement et son désir de le garder auprès de lui. Pour longtemps. Draco ne savait plus si c'était la pluie ou les larmes qui inondaient son visage, mais il prit conscience ce jour-là de la puissance de ses sentiments pour Harry. Cela lui fit peur, mais la lueur de confiance et d'amour qu'il vit briller dans l'émeraude de ses yeux l'apaisa et l'embrasa. Il était irrémédiablement perdu, irrémédiablement vulnérable, irrémédiablement amoureux. Il s'était promis de ne plus jamais se soumettre à quiconque, mais il s'agissait de Harry, son Harry. Alors, pour lui, il pouvait bien revoir ses principes et déroger à certaines règles. L'averse avait cessé. La rue était déserte, mais les oiseaux avaient repris leur chant, tandis qu'un soleil timide envoyait ses rayons réchauffer la terre. C'était comme si la pluie avait réveillé d'anciens souvenirs, qui libéraient un doux parfum teinté de mélancolie et de rêves évaporés. Les souvenirs olfactifs d'une enfance oubliée, et d'un arbre centenaire. Et c'était donc, trempés mais heureux, les narines remplies de l'odeur de pétrichor, qu'ils avaient regagné ensemble, main dans la main, leur petit logement douillet qui avait vu leur amour se consolider. « Ton risotto, c'est une tuerie. Il ne paye pas de mine, mais bordel que c'est bon !» lança Draco la bouche pleine, un large sourire sur son visage. Oui, Draco était un homme d'habitude. Il aimait mener sa petite vie paisible et routinière, partir tous les matins à la même heure, se rendre à son travail, se sentir utile, discuter avec ses collègues et partager les derniers potins de couloir. Il aimait ensuite rentrer chaque soir chez lui et retrouver l'homme qu'il chérissait plus que tout pour partager ses petits moments de bonheur tout en simplicité. Il aimait déguster ses plats préparés avec amour. Il aimait se blottir tout contre son corps chaud devant un film moldu sans intérêt. Il aimait réchauffer ses pieds glacés sur ses cuisses dans leur lit douillet. Il aimait Harry et il savait, au fond de lui, qu'il l'aimerait toujours et que jamais il ne pourrait se lasser de ce fabuleux destin que la Providence lui avait offert.